إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات نواصل بإذن الله تعالى سلسلتنا في بيان عظم شأن التوحيد وبيان عظيم خطر الشرك أعاذنا الله وإياكم من الشرك التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم العبادات رتب الله عز وجل لمن حقق هذا التوحيد الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته ولا يغطي الإيمان ولا يحيط به ويلبسه إلا الكفر ثم ذكر الله تعالى ما أعده لعباده المخلصين من الجزاء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة المهتدون إلى الصراط المستقيم ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه قال عليه الصلاة والسلام ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم فبين عليه الصلاة والسلام أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء Chers musulmans et musulmanes, nous continuons notre série qui explique dans les détails, l'immense importance du tawhid, de l'unicité d'Allah Azzawajal, et qui montrera par la volonté d'Allah Azzawajal également le grand danger du polythéisme dans ses moindres détails. Nous avions vu lors des discours précédents l'importance de l'unicité d'Allah Azzawajal. Nous avions vu également sa définition. Nous verrons aujourd'hui par la volonté d'Allah Azzawajal le mérite du tawhid. Car Allah Azzawajal a réservé une énorme récompense dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà à ceux qui mettent en pratique véritablement son unicité subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal selon le sens, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelconque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. C'est-à-dire ceux qui ont adoré Allah azza wa jal en toute sincérité, ceux qui n'ont pas mélangé dans leur adoration d'Allah azza wa jal une quelconque forme de polythéisme. Allah azza wa jal nous cite la récompense qu'il leur réserve. Ce sont eux, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ils auront la sécurité et le salut dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà et ils seront guidés sur le droit chemin, le chemin droit, le seul qui amène au paradis. Et lorsque ce verset est descendu, il a été accueilli avec difficulté par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont compris que le salut, la sécurité ainsi que d'être bien guidé était conditionné au fait qu'une personne ne doit pas commettre d'injustice même envers sa propre personne. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, mais qui d'entre nous n'offense pas sa propre personne? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ce n'est pas comme vous dites, ceux qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice, c'est-à-dire par du polythéisme. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman alayhi salam? Nous rapporte Allah azza wa jalla dans sourate Luqman le verset 13, le polythéisme est certes une immense injustice. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce la bonne nouvelle que ceux qui ont une foi pure, qui n'est mélangée par aucune forme de polythéisme, eh bien à eux le salut dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et ce sont eux les bien guidés. والظلم أيها المسلمون والمسلمات هو وضع الشيء في غير موضعه ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها وهو على ثلاثة أنواع أما النوع الأول ظلم العبد نفسه بالشرك وهو أعظم أنواع الظلم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم أما الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي كما في قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أما الأمر الثالث ظلم العبد في نفس أو مال أو عرض أو عرض فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة ومن سلم من الظلم الأكبر ولم يسلم من النوعين الآخرين حصل له من نقص الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه وظلمه للعباد ومن لم يسلم من الظلم الأكبر لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا والآخرة. Et l'injustice, chers musulmans et musulmanes, c'est de placer une chose dans l'endroit qui n'est pas la sienne. Pour cela que le polythéisme a été appelé une injustice. Et c'est pour cela que le polythéiste a été appelé injuste. Car il positionne et place l'adoration dans une place qui n'est pas la sienne, et voue son adoration à celui qui ne la mérite pas. Et l'injustice est de trois sortes. La première, c'est l'injustice que peut faire une personne envers elle-même par le polythéisme. Et ceci est la plus ignoble, la plus gravissime des formes du polythéisme, des formes de l'injustice, car Allah Azza wa Jalla dit, le polythéisme est certes une immense injustice. La deuxième sorte d'injustice, C'est l'injustice que fait la personne envers elle-même à travers des péchés. Comme le dit Allah Azza wa Jal dans Sourate An-Nisa, le verset 110. Et celui qui accomplit un mal ou porte offense à sa propre personne, puis demande à Allah le pardon, il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Et la troisième forme d'injustice, c'est l'injustice qu'une personne commet envers autrui dans la personne, dans les biens ou dans l'honneur. Celui qui est épargné de ces trois formes d'injustice, alors à lui la sécurité la plus complète et la guidée la plus parfaite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui est épargné de la grande injustice, à savoir le polythéisme, mais n'est pas épargné des deux autres sortes, eh bien, son salut et sa guidée seront proportionnels à l'injustice qu'il se sera infligée à lui-même ou qu'il aura infligée aux autres. Quant à celui qui n'est pas épargné de la grande injustice, alors point de salut, point de sécurité et point de guidée pour lui, ni dans la vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. وقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اشتمل هذا الحديث العظيم على أربعة أمور مهمة. أما الأمر الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا تنفع قائلها إلا إذا كان عارفا معناها، عاملا بمقتضاها، سالما مما ينافيها. أما من تلفظ بها فقط ولم يعمل بما دلت عليه لم تنفع. والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. أما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوا هذه الكلمة الطيبة، جحدوها لفظا ومعنى. فإنه عليه الصلاة والسلام لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومشركو زماننا قالوا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل من مشرك العرب. عبادة بن الصامت رضي الله عنه rapporte, comme cela est cité dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteste que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah seul, sans ne rien lui associer, qui atteste que Muhammad est son serviteur et envoyé, et que Isa est le serviteur d'Allah et son envoyé, et la parole qu'il a inculquée en Maryam et une âme provenant de lui, et que le paradis est vrai, et que l'enfer est vrai, Allah le fera entrer au paradis, selon ce qu'il aura accompli comme œuvre. Ce hadith, chers musulmans et musulmanes, on doit en retenir quatre choses importantes. La première, qui est l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah, qui signifie qu'il n'y a pas de vraie divinité autre qu'Allah, et que cette parole, la ilaha illallah, ne peut profiter à celui qui la prononce que lorsqu'il connaît sa signification, que lorsqu'il met en pratique les conséquences qui découlent de cette parole, et lorsqu'il est exempt de tout ce qui la contredit. Ainsi, celui qui prononce la ilaha illallah, mais ne met pas en pratique ce qu'elle impose, cette parole ne lui sera d'aucune utilité. Il doit donc croire en cette parole, accepter celle-ci, mettre en pratique ce qu'elle demande. Comme sincérité vis-à-vis d'Allah Azzawajal et comme éloignement de toute forme de polythéisme. Sinon, cette parole sera une preuve contre lui. Les polythéistes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont renié cette parole. Ils en ont renié les termes ainsi que les sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est adressé aux polythéistes en leur disant « Dites la ilaha illallah, vous connaîtrez la félicité. » Ils ont dit, comme le rapporte Allah Azzawajal, « Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu ? » Voilà une chose vraiment étonnante. Quant aux polythéistes de l'autre époque, ils disent cette parole par leur langue. Ils acceptent les termes de cette parole, mais en renient l'essence. Ainsi, on trouve à notre époque, beaucoup malheureusement, qui disent « La ilaha illallah » mais adorent autre qu'Allah dans les différentes formes d'adoration. L'on voit même certains qui, même dans les situations extrêmes, se dirigent vers autre qu'Allah. Ils sont donc plus ignorants que les premiers polythéistes, qui lorsqu'ils se trouvaient dans des situations extrêmes, malgré qu'ils adoraient autre qu'Allah dans les situations normales, mais lorsqu'ils se trouvaient en position de danger, ils s'en remettaient à Allah et à Allah seul. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الأمر الثاني الذي ينبغي الانتباه له في هذا الحديث العظيم شهادة أن محمدا عبده ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم موصوف في هذا الحديث بصفتين: الأولى أنه عبد الله ليس له شيء من خصائص الإلهية، وفي هذا رد على من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده. وأما الصفة الثانية أنه رسول من عند الله أرسله الله إلى جميع الخلق، فالواجب علينا طاعته، وفي هذا رد على من ترك طاعته واتبع هواه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. La deuxième chose importante à retenir du hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu est l'attestation que Muhammad est le serviteur d'Allah et son envoyé. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été qualifié par deux choses. La première, que c'est le serviteur d'Allah. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien qui pourrait justifier une quelconque divinité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien qui fait partie des spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans cela une réponse à tous ceux qui ont abusé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam des invocations, ou en adressant des appels au secours, et toute autre forme d'adoration qui ne peuvent être adressées et vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième caractéristique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Allah azza wa jalla l'a envoyé à l'ensemble de la créature. Ainsi, nous devons lui obéir. Et ceci est une réponse à ceux qui ne se soumettent pas aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui préfèrent suivre leur passion. Et la signification d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il a ordonné, de croire en tout ce qu'il nous a informé, de nous abstenir de tout ce qu'il nous a interdit et de n'adorer Allah azza wa jal que conformément à ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma l'amru thani al-walidi fi hadith al-Nabi alayhi salatu wa salam anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wasafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Isa ibn Maryam fi hadha al-hadith bi-arba'ati awsaf. أنه عبد الله أن عيسى عبد الله وفي هذا رد على النصارى الذين زعموا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وأنه رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وفي هذا رد على اليهود الذين كذبوا برسالته ووقعوا في عرضه وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه الله عز وجل أي أن الله خلق عيسى بن مريم بكلمة كن أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه وروح منه فعيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله كسائر الخلق وإضافة الروح إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم. La troisième chose à retenir du hadith d'Abdullah de Ubadah ibn Samit est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Isa est le serviteur d'Allah et son envoyé. Et la parole qu'il a inculquée en Maryam est une âme provenant de lui. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné quatre caractéristiques à Isa alayhi salam, à Jésus alayhi salam. Premièrement, que c'est le serviteur d'Allah. Et ceci est une réponse aux chrétiens qui prétendent qu'Allah nous en préserve, que Isa est Allah. Ou bien que c'est le fils d'Allah. Ou bien que c'est le trois des trois, ou bien que c'est le troisième des trois, qu'Allah soit exempté et purifié de tout ce que les polythéistes disent à son sujet. La deuxième caractéristique est que Isa est l'envoyé d'Allah. Ceci est une réponse aux juifs qui traitent de mensonge la prophétie du prophète Isa alayhi salam. Et qui ont sali l'honneur de Jésus alayhi salam en prétendant, wal'iyadu billah, que c'est le fils d'une prostituée. Et une parole qu'il a inculquée en Maryam, c'est-à-dire qu'Allah azawajal a créé Isa alayhi salam par la parole kun, soit qu'Allah azawajal a inculqué en Maryam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Et la quatrième caractéristique, c'est que Isa alayhi salam a une âme qui a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala comme les autres âmes. Et le fait qu'Allah azawajal attribue l'âme qu'il a inculquée ou qu'il a créée en Isa alayhi salam à lui-même subhanahu, ceci pour montrer la pureté et la sainteté de cette âme qui est celle de Isa alayhi salam. أما الأمر الرابع أن الجنة حق والنار حق. الإيمان بالجنة والنار من جملة الإيمان باليوم الآخر، ولكن خصهما الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشهادة بالذكر لأنهما مستقر ونهاية الأبرار والفجار، فالجنة دار الأبرار والنار ذات الفجار دار الفجار. وثمرة الشهادة بالأمور الأربعة السابقة التي اشتمل عليها الحديث دخول الجنة على ما كان من العمل. Et la quatrième chose à retenir du hadith de عبادة بن الصامت رضي الله عنه et la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, que le paradis est vrai et que l'enfer est vérité. La croyance au paradis et en l'enfer fait partie de la croyance au jour dernier. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié de façon précise l'attestation que le paradis et l'enfer sont vérité dans ce hadith, c'est pour montrer l'importance du paradis et de l'enfer, et que ce seront les demeures éternelles, les demeures finales, la destination de deux sortes de personnes, les bons et les pervers, les bons et les mauvais, le paradis pour les bons et l'enfer pour les mauvais. Et le fruit d'attester de toutes ces choses que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récompense de cela est l'entrée au paradis selon ce que la personne aura œuvré comme œuvre, aura fait comme œuvre. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين حققوا التوحيد ونسأله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن يرافقون الأنبياء والشهداء والصديقين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.